L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Florin va fêter son anniversaire. Le Florin, c'est la monnaie locale du bassin de vie de Nancy et ça se passera le samedi 6 octobre au département de Meurthe-et-Moselle. Pour nous en parler, eh bien, nous accueillons Nathalie Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de pilotage du Florin. C'est bien ça. Qui a un an d'existence maintenant. On va fêter ça le 6 octobre, comme je le disais. Mm-hmm. Mais avant ça, eh bien, on va réexpliquer un peu ce qu'est le Florin, une monnaie locale à Nancy. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi ça a été lancé? Dites-moi tout. Le projet est né il y a un petit moment déjà, puisque ça date de juin 2015, au moment d'Alternatiba, de la COP21, de tout ce qui s'était passé à ce moment-là. L'idée d'une monnaie locale, c'est de relocaliser l'économie, de dynamiser la consommation au niveau d'un territoire, de permettre aux gens de consommer en circuit court. Pourquoi ça redynamise l'économie locale? Parce que la monnaie en question ne va circuler que sur un territoire déterminé et ne pourra être échangée qu'entre les personnes qui sont sur ce territoire, que ce soit les citoyens ou les professionnels qui vont accepter cette monnaie. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe aussi un peu partout, hein, en France, mais aussi dans le monde. Il y a une soixantaine de monnaies locales, hein, je crois, en France. À peu près une soixantaine, effectivement. Une des toutes premières est née au Pays Basque, elle s'appelle le et puis depuis, il y a plein d'autres projets qui sont nés, qui ont fonctionné, d'autres un petit peu moins. Et puis, effectivement, une soixantaine de monnaies locales qui existent en France et qui circulent. Le Florin, alors expliquez-nous un peu comment ça fonctionne concrètement, où est-ce qu'on peut en trouver, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on peut acheter, des services, des produits, quoi donc? Alors, le Florin, c'est une association. Donc, pour pouvoir utiliser les Florins, que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel, il faut d'abord adhérer à notre association. Ça, c'est vraiment la première chose que vous devez faire. Ça, vous pouvez le faire dans des endroits particuliers qu'on appelle des comptoirs de change, qui sont cités et dont vous pouvez trouver les adresses sur notre site internet. Il y en a 8 actuellement sur le territoire de Nancy et l'agglomération. Ah, donc, dans ces endroits-là, vous pouvez adhérer à l'association et une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez échanger vos euros contre des florins et ensuite dépenser vos florins dans tout le réseau de nos acteurs professionnels qui acceptent le Florin. Il y a à peu près 130 adhérents professionnels à aujourd'hui sur le territoire de Nancy agglomération. Alors combien de personnes ont fait le pas en un an? Alors à aujourd'hui, on est à 580 particuliers adhérents sur le territoire. Vous vous attendiez à un tel résultat il y a un an? On l'espérait, puisque on a fait une budgétisation, hein, comme dans toute bonne entreprise au sens large. Donc, notre objectif, c'était celui-là, d'avoir un petit peu moins et voire d'approcher les 600 adhérents. Donc là, on y est. On avait un objectif de 120 professionnels qui acceptent le Florin. On est à 130, donc on est content, on dépasse. On fait adhérer à peu près, on agrée à peu près une dizaine de nouveaux acteurs tous les mois. Un an, bah justement, si c'est l'occasion de faire un petit bilan sur tout ça. On vient de voir quelques chiffres positifs sur cette opération. Quels sont les projets? Qu'est-ce que vous allez encore aller plus loin, j'imagine? Oui, on veut aller plus loin déjà parce que on a des objectifs ambitieux sur les 3 premières années en termes de nombre d'adhérents et en termes de nombre de professionnels. Et puis également, on souhaite développer cette monnaie locale sur l'ensemble du sud Meurthe-et-Mosellan. Donc avoir des groupes locaux sur le Lunévillois, le Toulois et éventuellement sur le secteur de Pont-à-Mousson. Donc sur le Toulois, ça commence un petit peu à se faire. Il y a déjà un petit groupe qui s'est créé là-bas. Il y a pas mal d'acteurs dans le secteur. Et puis sur le Lunévillois, ça devrait se faire en début d'année 2019. Pont-à-Mousson, c'est un petit peu plus loin, un petit peu plus compliqué, mais on a de bons espoirs aussi. Parce qu'il faut quand même des bénévoles pour aller sur le terrain, pour convaincre. Est-ce qu'il faut vraiment les convaincre, les producteurs et... Alors, il faut les convaincre, nous, et il faut que eux nous convainquent aussi. Ça va dans les deux sens, puisque l'agrément, il se fait pas comme ça. Il faut que l'acteur qui est candidat pour accepter le Florin réponde à un certain nombre de valeurs. On a une charte de valeurs qui est assez précise et qui est indiquée d'ailleurs sur notre site internet également. Donc, on va vérifier que ce professionnel répond à un certain nombre de ces valeurs. L'idée n'étant pas qu'il soit parfait, puisque personne n'est parfait, et heureusement, mais qu'on s'approche un petit peu de la perfection. Donc nos valeurs, c'est des valeurs humaines, des valeurs autour de la consommation bio, d'une économie responsable. Voilà, vous pouvez trouver tout ça sur notre site internet. Voilà, le site internet, je le dis dès maintenant, c'est www.monnaielocalenancy.fr, très simplement. Oui, ou aussi florin.fr, tout simplement. Florin.fr, c'est encore mieux. C'est encore plus simple et encore plus court. Tout ça, bien sûr, on retrouvera sur le site de la radio. Je disais donc, c'est un an que le Florin existe et ça va se fêter le samedi 6 octobre au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 48 Esplanade Jacques Baudot. Une journée donc pour se retrouver, pour expliquer avec des conférences. Vous pouvez nous expliquer un peu tout ce qui va se passer sur place? Oui, déjà les horaires, c'est de 10h à 18h, sachant qu'à 11h, il y a une inauguration avec discours de certains élus. Ensuite, il va se passer pas mal de choses. Effectivement, il va y avoir des défilés de mode. Ça, c'est toujours un peu rigolo. Donc, il y en a un à 14h30 avec Alter Ego, qui est une friperie. Et un autre à 16h30 avec deux de nos acteurs qui sont Dao Devi et Vététique. Ensuite, il va y avoir des conférences. Donc, une première conférence à 11h30 avec Patrick Vivray, qui est une personne qui a écrit pas mal de livres sur le buen vivir. Ensuite, à 13h30, une conférence sur les alternatives économiques comme la nef ou les cigales. Et à 15h30, une conférence sur l'engagement citoyen, les bénévolats associatifs. Tout ça est bien sûr ouvert à tout le monde. Tout est gratuit. Ça sera l'occasion aussi pour les personnes qui le souhaiteraient de venir adhérer à notre association, de dépenser leur premier florin, puisqu'il y aura entre 30 et 40 acteurs qui seront présents sous la forme d'un marché. Donc vous pourrez consommer sur place, vous pourrez acheter tout ce qui vous fait plaisir sur place. Puis il va y avoir un petit peu de spectacle aussi, puisqu'il y aura une conteuse, il y aura des petits groupes de musique. Voilà, donc un esprit très festif pour cette fête. Le samedi 6 octobre de 10h à 18h au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, esplanade Jacques Baudot. On retrouve bien sûr toutes les infos aussi bien sur le site internet, l'adresse. Alors c'est www.florin.fr. Et bien sûr sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook. On communique des informations un petit peu au compte-gouttes, mais voilà, c'est pour ménager le suspense. Voilà, donc merci beaucoup Nathalie Martin. Mais c'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.